Don Bosco, Ndoui Man. Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal, l'édition de ce soir du 9 novembre 2016. En voici les grandes articulations. Les élèves du centre de formation professionnelle de Kigobe à mairie de Bujumbura ont vu ce matin leurs inscriptions suspendues par la direction après un arrêt de cours observé hier. 23 restaurants et bars ne respectant pas les règles d'hygiène sont déjà fermés provisoirement depuis le début de cette semaine dans la ville de Rumonge. L'administrateur de la commune de Rumonge précise qu'il s'agit d'une campagne de prévention contre le choléra dans cette commune qui a enregistré une trentaine de cas de cette maladie en un mois. Et toutes les phares de l'actualité internationale sont braquées sur l'élection surprise du républicain Donald Trump, sans aucune expérience politique, en séisme politique sans précédent qui, de l'avis des politiques burundais, devrait servir de leçon aux Burundais. Dans ce dossier, vous en saurez également davantage sur cet homme élu pour devenir le 45e président des États-Unis et qui devrait succéder à Barack Obama le 20 janvier 2017. Et dans le reportage de ce mercredi, nous irons en province Kayanza à l'école fondamentale de Kirema qui manque de bancs et de manuels scolaires avec des effectifs très élevés d'apprenants. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Un homme de 70 ans a été sérieusement battu par un groupe d'hommes munis de gourdins l'accusant de sorcellerie. Cela s'est passé la nuit dernière sur la transversale 1 de la colline Nyamitanga, en zone d'Ava de la commune Buganda. C'est dans la province de Chibitoke, la victime de cette agression, Tarsisi Nyandui, est pour le moment sous la protection de la police au cachot de Ndava. L'administrateur communal et les autorités policières indiquent qu'il s'agit d'une mesure prise pour éviter que la population se fasse justice. Les inscriptions des élèves du centre de formation professionnelle de Kigobe à Bujumbura viennent d'être suspendues. Cyril Abizimana, directeur de cet établissement, explique que cette décision est consécutive à l'arrêt des cours observés hier. Les apprenants, quant à eux, disent ne pas reconnaître cette sanction parce qu'ils avaient suspendu les cours pour exprimer leurs revendications, disent-ils. Alida Ndaikeza pour les détails. Ces élèves, en arrivant au centre de formation, ils ont trouvé le portail fermé. Et pour y entrer, le directeur de ce centre a d'abord commencé par un appel, comme cela est dit par une des élèves. Nous sommes restés à l'extérieur jusqu'à 10 heures. Notre directeur a commencé à nous terroriser. On nous disait que parmi nous, il y a des promoteurs, mais on ne peut pas accepter cela car nous avons tous le même problème. Il a appelé certains des élèves par classe. Il a voulu nous séparer, mais nous sommes restés solidaires car nous avons tous le même problème. Depuis la matinée de ce mardi, ces apprenants ont refusé de rejoindre les classes, ce qui a poussé la direction à annuler toutes les inscriptions de ce centre, comme l'indique Cyril Wizimana, directeur de cet établissement. Ce qu'on a constaté, les apprenants ont arrêté les cours sans au moins avertir l'administration. Et l'école a décidé de suspendre les inscriptions totalement. Ces élèves ne reconnaissent pas l'annulation de leurs inscriptions. Pour eux, la solution serait de donner suite à leurs demandes. C'est vrai que la direction a la compétence de prendre des décisions, mais le directeur est en train de nous intimider. Il est incompréhensible de procéder à la nouvelle inscription alors qu'il y a ceux qui sont presque à la fin de l'année. Est-ce qu'ils commenceront à la première année ou au niveau actuel? Dire qu'il va commencer les inscriptions alors que nous sommes nous tous unis. Le directeur de ce centre de formation fait savoir que les inscriptions commenceront du 14 au 16 novembre pour tout élève qui le souhaiterait. Alida Ndaikeza, la coupure répétitive du courant électrique qui s'observe souvent au quartier 9 dans la zone Ngagara, en commune Nhangwa, à mairie de Bujumbura, handicape les activités des élèves de l'école d'excellence se trouvant dans ce quartier. Ces derniers indiquent qu'ils ne révisent pas comme il faut leur matière dans la soirée. Le délégué général des élèves demande aux autorités habilitées de régler ce problème. Evrard Avziariman. L'école d'excellence est située dans la zone Ngagara, en commune Nahangwa, mairie de Bujumbura, connaît une coupure répétitive du courant électrique depuis un certain temps. Victoire Boutoyi, la directrice de cette école, indique que les élèves ont besoin de cet éclairage, afin que ces derniers revisent leur matière dans la soirée. Le problème s'observe surtout à l'aube. C'est à l'aube qu'il y a coupure de courant. Nous avons beaucoup besoin de cet éclairage à ce moment-là. Oui, il y a un impact négatif sans doute, parce que les élèves ont besoin d'être éclairés pour mieux étudier. Bon, pour le moment, je demanderai à ce qu'il n'y ait pas de coupure électrique parce que nous avons des élèves internés au sein de l'école. En plus, ces élèves sont mixtes.